Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Front commun des syndicats québécois de 1972. La table centrale, la table unique, que M. Lallier, que M. Bourassa aime ça ou non, il n'y aura pas de négociation de la politique salariale du gouvernement. Il n'y aura pas de négociation des salaires, à moins qu'il y ait une table centrale de négociation. Cela est essentiel quand... Marcel Pepin, le président de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, le 9 mars 1972, le jour où les 200 000 travailleurs syndiqués du secteur public québécois rejettent massivement l'offre que leur fait à l'époque le gouvernement libéral de Robert Bourassa. Ce même jour, ces mêmes 200 000 travailleurs syndiqués du secteur public québécois regroupés en Front commun syndical, réunissant les membres de la CSN, ceux de la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec, et ceux de la CEQ, la Centrale de l'enseignement du Québec, votent pour la grève générale illimitée. C'est le début de l'un des conflits de travail les plus marquants de l'histoire du Québec, les trois chefs des trois centrales syndicales, Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau, se retrouveront d'ailleurs derrière les barreaux au cours de cet affrontement historique de 1972. Le gouvernement ne se laissera certainement pas dépasser par les événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité de la population soit protégée. On a parlé, je ne sais pas si on le faisait avec autorité, mais on a parlé d'une grève générale sans les services essentiels. Alors, il n'est pas du tout question que le gouvernement permette qu'il y ait une grève générale sans services essentiels. Et nous avons la possibilité de ne pas le permettre. Les alternatives sont les suivantes. C'est que le gouvernement a le choix entre assumer ses responsabilités et donner des augmentations raisonnables aux fonctionnaires, ce que nous avons à faire, ou bien démissionner devant ses responsabilités et accepter les offres exagérées qui nous sont faites. Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, le 7 mars 1972, deux jours avant le rejet massif par les syndiqués du secteur public des offres de son gouvernement, c'est Robert Bourassa affiche dans l'extrait qu'on vient d'entendre une très, très grande confiance. Cette confiance va être ébranlée assez rapidement dans les jours et les semaines qui suivront, tant et si bien qu'il changera même de ministre responsable de négociation avec les employés du secteur public avant même que cette négociation ne soit terminée. Pour revivre ces temps forts de la négociation syndicale de 1972, mon invité est Pierre Paquette, ex-député du Bloc québécois, ex-secrétaire général de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Pierre Paquette, bonjour. Bonjour. Pour bien comprendre d'abord, Pierre Paquette, ce qui va conduire à ce front commun, à cette grève historique de 1972, il faut reculer un peu dans le temps, au moment de cette fameuse révolution tranquille. Parlez-nous un peu de la situation des employés de l'État au début des années 60, au moment de la révolution tranquille. Bien, au début de la révolution tranquille, quand les libéraux prennent le pouvoir, ils changent pas grand-chose au plan des relations de travail. Par contre, ils investissent énormément dans la construction des réseaux publics, l'éducation, la santé. Et donc, le nombre d'employés de l'État, y compris des fonctionnaires, des professionnels du gouvernement, augmente. Mais encore, les vieilles règles du jeu sont celles de l'ère de Duplessis, c'est-à-dire que les employés directs du gouvernement, les fonctionnaires, les ouvriers du gouvernement n'ont pas le droit de se syndiquer. Ceux de ce qu'on appelle maintenant le parapublic, les hôpitaux, les commissions scolaires, ont le droit de se syndiquer, ont le droit de négocier, mais n'ont pas le droit de grève. Ouais. Et la CTCC, l'ancêtre de la CSN, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, avait déjà commencé à syndiquer dans les années 40 les employés de certains hôpitaux, mais sans vraiment grand rapport de force. C'était les communautés religieuses qui administraient les hôpitaux et les commissions scolaires administraient les écoles. Et donc, ça améliorait pas les conditions de travail des gens. À peu près pas de sécurité d'emploi. Pas de sécurité d'emploi. Retard salarial par rapport au privé. Oui, en termes de salaire moyen, le salaire dans la fonction publique était 75% du salaire dans le secteur privé. Alors, il y avait un retard très important et des disparités énormes d'une région à l'autre. Alors, donc, il y avait un rattrapage à faire. Comment arrive cette idée? Parce que le Front commun, c'est en 72 qu'il verra le jour, mais ça commence bien avant. Quand est-ce que ça commence à germer, cette idée d'un Front commun? Bien, d'abord, il y a eu la pression des centrales syndicales pour changer les règles du jeu, là, avec la loi 54, la loi 55, en 64 et 65. Et après, bien, les négociations ont commencé. Il y a eu deux rondes de négociations avant le Front commun de 72. Et rapidement, on s'est aperçu que le gouvernement du Québec avait une stratégie unifiée, alors que les troupes syndicales y allaient en ordre dispersé, que ce soit par secteur, par région. Et à partir du moment où est-ce que l'Union nationale a pris le pouvoir en 66, il était très clair clair que le gouvernement avait maintenant un cadre de négociation duquel il ne dérogerait pas. Oui. Alors, en 67, les professionnels du gouvernement font 3 mois de grève illégale sans faire bouger d'un iota le gouvernement de Daniel Johnson. Et là, justement, Marcel Pépin lance l'invitation en août 67 de créer un front commun. Il lance l'invitation à la FTQ et à la CEQ. Ça va prendre 5 ans. Pourquoi? Ben, d'abord, la syndicalisation dans le secteur public est jeune. Et puis, il y a eu énormément de rivalités au plan des centrales, particulièrement la FTQ, la CSN, pour ce qui est de l'organisation des syndicats dans ce secteur-là. Alors, on sait qu'au départ, la CSN a reçu la grande majorité des travailleurs, des nouveaux travailleurs syndiqués. Il a fallu la campagne de syndicalisation à Hydro-Québec pour arrêter, je dirais, la vague, la FTQ ayant gagné. Et donc, ça avait laissé des marques. Il n'y avait pas non plus de tradition très forte de négociations dans le secteur public. Et donc, il y a eu une approche. On a d'abord organisé des colloques intersyndicaux, FTQ, CEQ, CSN. Il y a eu la crise d'octobre qui a joué un rôle très important parce que les trois centrales syndicales, pas eux uniquement, on se rappellera que Claude Ryan, René Lévesque faisaient partie, ont réagi à la crise d'octobre de façon unifiée, unitaire. Ouais. Et en 70, Marcel Pépin invite Louis Laberge et Yvon Charbonneau au congrès de la CSN, ce qui s'était jamais vu. Alors donc, ça a pris du temps, mais en même temps, en 72, janvier 72, le protocole est signé pour la création du Front commun. Alors, venons-en directement à cette négociation 72. Quelles sont les demandes de ce Front commun? Bien, les demandes, d'abord, c'est 100 $ minimum par semaine. Alors, ça peut paraître ridicule. Pour tous les employés du secteur public. Oui, pour tous les employés du secteur public, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais c'était quand même, avec le rattrapage qui avait été fait, c'était encore une demande qui paraissait, d'ailleurs, on entendu M. Bourassa tout à l'heure, irréaliste. Oui. La sécurité d'emploi qui demeure toujours importante. La question des avantages sociaux qui était extrêmement variable d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre. Alors, on demande que ce soit unifié à la hausse, évidemment. Mm-hmm. Et aussi, ce qui est demandé, c'est une clause d'indexation. C'est le début là, de la période où l'inflation est importante. Mais c'est encore pas un enjeu énorme. Et ça va être un des gains majeurs, d'ailleurs, du Front commun de 72, cette clause d'indexation. Alors, on écoute le ministre, le premier, parce qu'il y en aura deux. Le ministre qui est chargé de mener pour le gouvernement à Bourassa cette négociation, Jean-Paul Lallier, ministre de la fonction publique. Vous entendrez sous lui, entrecoupé, Marcel Pépin, parce que c'est une discussion à laquelle Marcel Pépin de la CSN participe, puis qui met son petit mot, son grain de sel un peu partout dans cet extrait. Jean-Paul Lallier, donc, sur la position du gouvernement Bourassa. Le chiffre qui est avancé de 100 $ par semaine, il est difficile d'être contre un salaire de 100 $ par semaine. Merci. Il est difficile d'être donc contre un salaire de 100... Non, ce n'est pas accepté. Pas je vais encore. Vous dire pourquoi. Il est difficile d'être contre un salaire de 100 $ par semaine si on songe à l'ensemble des travailleurs. Actuellement, il y a au-delà de 2 millions de travailleurs au Québec. 600 000 d'entre eux ne reçoivent moins de 97 $ par semaine. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'ils reçoivent moins? Je vais finir mon point là-dessus. Très bien. Ces personnes, donc, dans le secteur public, pourquoi est-ce que l'État, à ce moment-ci, paierait dans le secteur public, à même les fonds publics, à même les taxes de tous les autres travailleurs et de tous les citoyens du Québec, des salaires qui comporteraient des augmentations de près de 50% pour les plus bas. Alors que l'objectif de l'État, c'est précisément de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs du Québec voient leur revenu minimum augmenter, et ça le plus rapidement possible. Notre préoccupation est bien sûr celle d'un employeur à l'égard de ses employés, mais nous avons aussi une responsabilité à l'égard des autres travailleurs du Québec. Les deux parties, Pierre Paquette, ne voient pas cette négociation du même œil. Quelles sont ces deux perspectives qui s'affrontent? Bien, d'abord, il y a la perspective, on entendait Marcel Pépin en arrière-plan, lui a vraiment la conception que le secteur public doit jouer un rôle de locomotive dans l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. Relever la barre, québécois. Donner l'exemple. Oui, donner l'exemple. Ouais. Et d'ailleurs, son analyse, elle est partagée par le Conseil du patronat du Québec, qui envoie le même signal que lui en disant, écoutez, si vous donnez ça au secteur public, ben le secteur privé, on va être obligé de suivre. Et de l'autre côté, le gouvernement, je dirais tous les gouvernements depuis l'Union nationale en 68, ont voulu aligner les salaires dans le secteur public avec une certaine norme au plan du secteur privé. Alors ça, c'est vraiment la vision que défendait l'Union nationale en 68, oui. qu'a repris les libéraux, et on sait que ça a traversé d'une façon ou d'une autre, là, ça pouvait s'exprimer oui. de façon différente, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des négociations dans le secteur public depuis cette époque-là. Donc, un grand écart dès le départ, là, ça part mal. Il y a une date qui va être importante assez rapidement. Le 9 mars 72, les syndiqués du secteur public appuient un mandat de grève générale illimité. Et ça va conduire ce vote-là, massif, hein. Je pense que c'est le trois quarts à peu près qui disent oui mm-hmm. à la grève générale illimitée. Ça va conduire le gouvernement Bourassa à déjà accepter une table centrale. Ça, c'est pas rien, là. Non, c'est pas rien parce que justement, la stratégie gouvernementale depuis le début, c'était de maintenir une certaine décentralisation des négociations du côté syndical, tout en ayant un cadre de négociation commun pour l'ensemble des secteurs du côté de l'État employeur. Alors donc, en acceptant une table centrale, ben évidemment, on abandonnait cet avantage que le gouvernement avait eu au cours des deux rondes précédentes, là, où il n'y avait pas de front commun. Là, je veux rajouter sur ce que vous mentionnez, le vote a été à peu près 70 % en faveur du rejet et de la grève générale illimitée. Un rejet des offres, évidemment. Et 80 % des syndiqués ont voté. Alors, je pense que c'est le taux de participation qui a été un signal pour le gouvernement que ce n'était pas simplement Marcel Pépin, Yvon Charbonneau ou Laberge qui voulaient ça. Il y avait un secteur public mobilisé. Mobilisé. Et ils avaient une sympathie dans le public là, qui était aussi évidente. Le 11 avril 72, donc ce vote-là, c'est le 9 mars. Un mois plus tard, le 11 avril 72, déclenchement de cette grève générale illimitée. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on dit on y va? Bien là, il ne s'était rien passé depuis le 9 mars. Il y avait même eu, je crois c'est le 28 mars, une 24 heures de débrayage sans aucun résultat. D'ailleurs, qui avait été reporté parce que ça devait être le 24 initialement. Puis il y avait une tempête de neige. Alors comme quoi, même la température au Québec a des effets sur les négociations dans le secteur public. Et là, ben les gens en avaient le ras-le-bol. Un autre élément aussi, c'est que la CEQ voulait régler avant les vacances scolaires. Alors pour eux, c'est extrêmement important qu'il y ait un règlement avant la fin juin. Donc il fallait accélérer le tempo. Ouais. Et donc la grève est déclenchée le 11 avril et elle va durer 11 jours. Parce que la réponse du gouvernement va être rapide et brutale. Oui, ça va être la loi 19, où on va d'abord suspendre le droit de grève, accompagner cette suspension-là d'amendes très importantes pour l'époque. Là, c'était une nouveauté pour les contrevenants. Et menacer l'ensemble des salariés du secteur public de décréter les conditions de travail pour deux ans s'il n'y avait pas entente rapide. Alors, ça a été une loi assez matraque, si on veut, et la réaction n'a pas été celle que le gouvernement attendait. Non, on va y venir en deux temps, parce qu'il y aura deux temps, au fond, à cette réaction, mais le premier temps, c'est celui de la réaction des travailleurs syndiqués, ces gens mobilisés qui sont allés voter, donc 80 % d'entre eux qui sont allés voter pour la grève. On écoute quelques commentaires recueillis auprès de ces fonctionnaires en grève au moment de l'adoption de la loi 19 en avril 72. Vous faites la grève pourquoi personnellement, monsieur? Parce qu'on n'est pas assez rémunéré. C'est votre raison principale? Certainement. Monsieur Laviolette, vous êtes préposé aux malades. Vous gagnez combien par semaine ici? Ici, Claire, j'en gagne 75 $. Est-ce qu'avec 75 $ par semaine, vous réussissez à joindre les deux bouts? Ben, il le faut, mais avec difficulté. Personnellement, moi, je retourne pas. Malgré l'amende de 250 $ par jour? Je veux rien savoir des autres. Oh, fou, je gagne même pas 100 $ par semaine, Claire. Vous me mettrez en prison, c'est tout. Si tout le monde se tiendra en main, le gouvernement sera renversé. Parce que franchement, Bourassa, là, lui qui n'aille pas d'autres élections parce qu'il va débarquer de là, certain. Alors, pour la petite histoire, Bourassa ne débarquera pas de là, certain. Il y aura une élection. La prochaine élection, ce sera 73. Robert Bourassa va être reconduit au pouvoir. Mais pour revenir à ce qu'on vient d'entendre, ces grévistes en colère, ils sont en colère. Certains nous disent « je ne rentrerai pas travailler ». Pourtant, les trois chefs des trois centrales vont demander aux syndiqués de retourner au travail. Pourquoi? Aux grandes dames, d'ailleurs, de Michel Chartrand, il faut l'entendre à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord, on demande aux gens de ne pas respecter la loi, mais on les consulte. Alors, oui. Donc, une tournée des assemblées générales qui s'organise rapidement. Et le taux de participation, là, est très faible. On parle de moins de 50 %. Et c'est Marcel Pépin lui-même, dans ses mémoires, le dit. J'ai vu aussi que Jean Cournoyer soutient que c'était à peu près 80 000 des 200 210 000 travailleurs qui avaient pu être consultés. Mm-hmm. Et le vote est positif, mais à 55 %. Ouais. Donc, ça veut dire extrêmement faible dans un contexte où le taux de participation n'est pas particulièrement intéressant. Et donc, Marcel Pépin et les deux autres présidents, je pense que M. Laberge puis la FTQ, eux, n'étaient pas si enthousiastes à l'idée de défier la loi. Ils ont été obligés de suivre. Charbonneau, je pense qu'il était sincère dans sa volonté de défier la loi. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont pris la mesure du fait qu'ils s'en allaient dans le mur, puis c'était pas un service à rendre à leurs membres. Et vous faites bien de rappeler que effectivement, il y aura cet appel au retour au travail, mais que avant ça, au moment de la présentation et de l'adoption de la loi 19, il y aura un appel à ne pas respecter, puis on jouera sur les mots plus tard, mais à ne pas respecter la loi 19 de la part des trois chefs syndicaux, ce qui fait qu'ils vont se retrouver, malgré le retour au travail, ils vont se retrouver en prison au mois de mai 72, et ça va vraiment déclencher un mouvement de grève dans le secteur public, mais dans le secteur privé aussi. On n'accepte pas que ces trois chefs-là soient emprisonnés. On écoute d'abord, dans l'extrait qui suit, la réaction de Charbonneau de la CEQ et de Louis Laberge de la FTQ, le jour où ils apprennent qu'ils sont condamnés à l'emprisonnement le 8 mai 1972. Le jugement est déposé et semble, d'après nos renseignements, exécutoire à partir de maintenant, alors que ceux qui sont membres de la Sûreté du Québec parmi vous s'avancent et viennent nous prendre. Est-ce que ça va réveiller les travailleurs au Québec? Je le souhaite à maudit. Qui se rend compte une fois pour toutes que la justice, ça c'est pas fait pour nous autres, c'est fait pour l'establishment, c'est fait pour la rue Saint-Jacques, c'est fait pour Power Corporation, les chums de Bourassa, puis de Choquette. OK, alors, ceux qui sont à la maison, vous savez quoi il se passe en ce moment de toute façon, ces gens-là sont venus nous voir, on va demander à ce monsieur-ci, d'abord, qui sont, parce que je sais qu'il y a des professeurs, il y a des enseignants là-dedans. Bon, nous sommes des enseignants pour notre part, nous autres, en tout cas de la régionale Le Royer, des enseignants qui sont de Pointe-aux-Trembles. Il y a également des étudiants du Cégep Saint-Laurent. Il y a des gars de Rivière-des-Prairies, de l'ARAC, la Régie des alcools, et puis on est venu rencontrer en fait tout le monde. On ne veut pas priver personne d'un divertissement sain. OK. OK, les gars. On continue le show? OK, vous êtes bien correct. Starsky. Ça, c'est fabuleux ce qu'on vient d'entendre, la réaction de deux des trois chefs de centrale au moment où on leur annonce qu'ils vont partir en prison. Mais ce grand mouvement qui va suivre du 11 au 15 mai, Pierre Paquette, série de grèves dans le secteur, 300 000 travailleurs du secteur public, mais du secteur privé, qui n'acceptent pas que ces trois leaders syndicaux soient en prison. Occupation de certaines stations de radio et télé. On entendait l'émission de Jacques Boulanger, là où débarquent des travailleurs syndicaux. Je me rappelle l'avoir vu, cette émission. Hein? Oui. Est-ce que c'est ça le point tournant dans ce conflit de 72? Oui, c'est sûr que c'est un point tournant à plusieurs C'est là où ça bascule. Là. Oui, d'abord, il y a des occupations de villes. On n'avait pas vu ça depuis, je pense, la grève de 1917 à Winnipeg, là, Sept-Îles, Joliette, Sorel, Thetford Mines sont des villes occupées par les grévistes. Et comme vous l'avez mentionné, les médias aussi sont occupés. Même les journaux sortiront pas une journée suite à une démarche entreprise par les typographes de la presse. Ils ont convaincu les gens du devoir, puis ainsi de suite. Même la Gazette et le Montréal-Star sont pas sortis une journée. Et donc, le gouvernement s'est aperçu qu'il perdait un peu la situation en main. Et d'autre part, ça a ressoudé le Front commun, qui était tranquillement en train de se désagréger. Il faut se rappeler que les travailleurs d'Hydro-Québec Québec avait quitté la table de négociation centrale, les fonctionnaires aussi. Et donc, ça cette décision-là, et Marcel Pepin l'écrit lui-même, il le dit à l'époque, d'ailleurs, c'est la décision du juge Pierre Côté de la Cour supérieure de nous emprisonner un an qui a ressoudé le Front commun. Il faut se rappeler que c'est quand même le procureur général, Jérôme Choquette, qui a décidé d'interpeller la Cour pour le non-respect de la loi et des injonctions qui étaient déjà émises. Alors, donc, je pense que les deux éléments, la réunification du Front commun et autour de l'emprisonnement de leurs trois chefs et aussi la crise sociale, le fait que M. Bourassa a changé son fusil d'épaule. Les vents tournent. Il y a, dans l'opinion publique, là, il y a une ligne. On vient de franchir. Ben, les gens trouvent que c'est excessif. Ouais. Un an de prison, c'est le maximum qu'on peut avoir pour défier une injonction. Et ils ont eu le maximum. Ouais. Et quand ils sont allés au palais de justice à Québec, comme vous le savez, il y avait au moins 5000 personnes qui les ont accompagnés. Mmh. Et là, justement, le 12 mai, Robert Bourassa change de ministre. L'allié perd son poste, malgré qu'il n'est absolument pas responsable de ce qui s'était passé. Et on va chercher Jean Cournoyer. C'est lui qui va finir la négociation. Et c'est un changement de philosophie aussi. Jean Cournoyer, c'est un pragmatique. Il avait été ministre sous l'Union nationale du travail. C'est un gars qui s'implique beaucoup dans directement, personnellement dans les dossiers. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est à cheval sur le cadre de négociation. Ouais. Lui, il veut régler en sauvant le plus de meubles possible, mais il va pas avoir une rigidité de principe lors de la négociation. Et ça va donner quoi, finalement, comme résultat? Bien, finalement, ça va donner que les directions du Front commun vont vouloir négocier plutôt que de se faire décréter, et la négociation va donner des résultats qui étaient au-dessus, je pense, des espoirs de plusieurs du côté syndical. On a le 100$ minimum par semaine la troisième année. On a rajouté une année à la convention collective, et donc, c'est acquis. Ensuite, il y a des augmentations de salaire qui sont beaucoup plus importantes que ce qui était prévu, la sécurité d'emploi et cette fameuse clause d'indexation qui, à ce moment-là, paraissait peut-être comme la cerise sur le sundae, ouais, qui n'avait pas son importance, mais avec la période d'inflation qu'on va connaître au milieu des années 70 jusqu'au début des années 80, elle va s'avérer extrêmement, extrêmement intéressante. Quelle importance, d'abord sur le plan syndical, Pierre Paquette, quelle importance va avoir cette négociation, ce Front commun de 1972? Ben, je pense que la plupart des syndiqués des trois centrales vont comprendre qu'ils ont intérêt à négocier ensemble en Front commun. Ce sera le modèle. Oui, ça va être le modèle. Puis c'est la réponse logique à la centralisation des négociations par l'État québécois. En 68 jusqu'à 71, chaque secteur se faisait avoir les uns après les autres. C'est sûr que ça a marqué le début de ce qu'on voulait du côté syndical, c'est-à-dire que les négociations dans le secteur public soient vues comme une espèce de modèle à suivre pour le secteur privé. Et ça a très bien réussi en 76 jusqu'en 79. Ça a commencé à être plus dur après les années 80. Ouais. Mais je pense que les négociations dans le secteur public n'auraient pas pu se passer autrement qu'avec la présence d'un Front commun. Et d'ailleurs, on a vu au fil des ans des syndicats qui avaient quitté des centrales syndicales, particulièrement la CSN, revenir dans le cadre des négociations au Front commun, parce que négocier seul contre l'État québécois maintenant, là, c'est évident que les gains ne sont pas au rendez-vous. Pierre Paquette, ex-député bloquiste, ex-secrétaire général de la CSN, professeur d'économie au Collège Maisonneuve, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.